Normalement, yani, lorsque tu dis avec ta vue, tu A'udhu bi rabbinnas, ça, tu dois mettre la runna, tu as même les drames dans le nun. La personne, maintenant, qui a dit قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. C'est-à-dire la femme, le runna. Normalement, tu dois dire مِنْ شَرِّ. Si jamais il a lu comme ça, normalement, sans faire les règles de tajwid, est-ce qu'on dit, est-ce qu'il yani, est athim, est-ce qu'il a fait, il a commis un péché là? Il dit, le Cheikh Al-Athamin n'a pas commis de péché, parce que la ayah, ce qui est ordonné, c'est pas de faire le tajwid, mais de donner à chaque harf son droit. C'est-à-dire que tu dois la prononcer et pas manger le mot. C'est ça qui est voulu dans la ayah. C'est-à-dire que, du moment. Naham. À partir du moment où tu as prononcé, yani, comme il se doit d'être prononcé dans l'arabe. Alif, le A, le Ba, le Ta. Tu dois le prononcer comme il doit d'être prononcé dans l'arabe. À partir de ce moment-là, ta lecture elle est correcte. C'est-à-dire que tu n'as pas de péché. Mais la kien, c'est mieux, comme on va le voir, que tu embellisses ta voix pour le Coran et que tu fasses les arcanes de tajwid. Ça, c'est mieux. C'est préférable. وقال رحمه الله تعالى ويزين القرآن بصوته. Il nous dit qu'il lui incombe à celui qui lit, celui qui est imam, qu'il embellit sa voix lorsqu'il lit. قال ويزين القرآن بصوته. Car le prophète sallam a recommandé cela. Il a dit ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. Il ne fait pas partie de nous celui qui n'a pas embelli sa voix pour le Coran. Certaines personnes vont comprendre que Yataranna, yani, il chante. Non, c'est pas chanter. Yataranna al-Qur'an, c'est-à-dire qu'il doit, comment on s'appelle, embellir sa voix. Embellir sa voix pour al-Qur'an. Et il nous dit kazalika an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma Allahu li shay'in, adhina li nabiyyin min hasan al-sut, yataranna al-Qur'an, yajharu bihi. Ce hadith-là, il est authentifié, muttafaqun alayhi, et rapporté par Abu Harayra, dans lequel il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute guère une chose de la même manière qu'il écoute un prophète ayant une belle voix qui psalmodie le Coran avec une voix claire et distincte. Donc comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, le fait que la personne ait embelli sa voix est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit attentif à ta lecture et qu'il écoute ta lecture. Ma adina Allahu li shay'in adina li nabiyyin min hasan sawt yataghanna al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala n'écoute guère une chose de la même manière qu'il écoute un prophète ayant une belle voix qui a psalmodié le Coran. Psalmodié le Coran. Donc, ceci nous prouve qu'il est vraiment préférable et qu'il est fortement recommandé d'embellir sa voix pour le Coran, car Allah subhanahu wa ta'ala est attentif à la lecture de celui qui a embelli sa voix. Qui a embelli sa voix, c'est-à-dire sans non plus yani kadalika, comme l'ont évoqué le ulama, sans non plus yani s'affliger une charge. Parce que là, comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymeen, la belle voix, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, et qui est une chose yani, que tu ne peux pas acquérir. Si jamais tu as une belle voix, tu as une belle voix. Lakin, le fait d'embellir ta voix, le fait d'essayer que ta voix soit belle, ça c'est une chose que chacun il peut faire. Lakin, de vouloir faire comme le lecteur un tel ou un tel, le mieux c'est que la personne se contente d'embellir sa voix comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Sans pour autant suivre de la manière où, dont Ali Foulain parmi les lecteurs, il se contente de lire et d'embellir la voix selon ses capacités et selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il lui a donné. وقال رحمه الله تعالى ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد. Il dit et il doit embellir sa voix pour le Coran en se limitant aux règles qui ont été évoquées dans le tajwid, aux règles qui ont été évoquées dans le tajwid, qui est les drames, les izhar, wa kadhalika barakallahu fikum al-qalqala, et les ahkam qui sont ma'ruf dans le tajwid, parce que ça a été connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait de la sorte, et cela est préférable pour celui qui lit la lecture de lire de cette manière-là. Qala wa la yataghanna 'ala al-alhan al-mubtadi'a. Il dit il ne doit pas lire de la manière dont le font les innovateurs, comme c'est le cas d'Abd al-Samad Abd al-Basit. Certaines personnes qui le voient, tiennent leurs oreilles, ils lisent jusqu'à ce que les veines sortent, jusqu'à ce que le visage devienne tout rouge. Ça, c'est takalluf. Hein. C'est une chose qui n'est pas demandée. Allah n'a pas. Le Coran n'a pas été descendu pour que tu t'affiches à toi-même des difficultés et des charges. Tu l'as lu d'une manière simple, yani, sans t'affliger des charges, comme c'est le cas de certains lecteurs. Hatta il a dit, Cheikh Mokbel, lorsque Abd al-Samad al-Basit est né,

Il ne faisait pas faire l'aïni parce que c'est pour montrer vraiment que c'était un effort d'interprétation. Il se cachait quand il faisait. Une fois, un des sahabes, ou plutôt un tabir, il l'a vu. Et il a été dit que, Abu Huraira, dès qu'il l'a vu, il a dit, si jamais j'aurais su que tu étais là, j'aurais jamais fait cela. On va conclure sur cela, j'ai un peu d'argent. Et Inch'Allah pour la semaine prochaine. مع تحية دماج افاخ.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.